comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à la 8e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur nos ondes. La semaine dernière, nous avons choisi le thème de l'eau pour notre émission, puisqu'il s'agit du premier des 5 éléments. Et nous avons souligné l'importance de la mer et des villes portuaires dans l'histoire de la Chine. Nous poursuivons donc cette semaine avec la thématique des éléments, mais avec le deuxième en liste, soit le feu. Si on revient au classique des documents, dans la section Hongfan, qu'on peut traduire par « modèle universel », on apprend que le feu vient en deuxième. On peut lire « première division ». 1. Eau. 2. Feu. 3. Bois. 4. Métal. 5. Terre. L'eau, elle humecte et descend. Le feu, il flambe et il monte. Puisque le feu vient en deuxième parmi les 5 éléments, le thème de la journée sera donc le feu. Mais encore une fois, de la même manière que ce qu'on a mentionné pour l'eau, il existe une infinité de symboles culturels qui peuvent se rattacher à l'élément du feu à travers l'histoire de la Chine. Alors, pour guider notre propos de la journée, j'ai d'abord choisi le feu en tant que parole. Ce choix s'appuie sur le fait que la parole qu'on échange, c'est comme un feu qu'on propage. D'ailleurs, si on observe attentivement le sinogramme Tan, qui signifie « parler, causer, discuter, s'entretenir », on découvre la clé de la parole à gauche, puis deux clés du feu superposées l'une par-dessus l'autre à droite. Mao Tse-tung écrivait dans une lettre célèbre datée de 1930 qu'une étincelle pouvait mettre le feu à toute la plaine. En s'exprimant ainsi, il décrivait alors la progression de l'élan révolutionnaire. Mais l'analogie est tout aussi vraie si on aborde la parole en tant que feu qui se propage et qui peut parfois circuler à une vitesse prodigieuse. C'est d'ailleurs certainement pour cette raison que les régimes politiques autoritaires ont toujours eu peur de la parole libérée. Et c'est certainement un peu pour cette raison que la Chine demeure l'un des pays où la censure et le contrôle de l'information y sont parmi les plus sévères et les plus restrictifs du monde. Depuis l'apparition de l'Internet en Chine au milieu des années 1990, la question du contrôle de l'information a été un des enjeux prioritaires du gouvernement chinois. Et ce contrôle s'est exercé avec le déploiement de ce qu'on appelle « the Great Firewall of China », qu'on traduit parfois par « la grande muraille numérique ». Il s'agit d'un vaste mur coupe-feu, dont le projet a débuté en 1998 et qui sert notamment à limiter l'accès aux informations qui peuvent entrer en Chine via le web. Alors qu'un grand nombre de sites Internet sont carrément bloqués, notamment les sites liés à Google, Facebook, ou encore parfois des sites d'information comme CNN ou même Radio-Canada, dont l'accès peut être bloqué. En plus de bloquer l'accès aux informations extérieures qui tentent d'entrer en Chine, le Great Firewall de la Chine vient s'ajouter un travail de censure monumental qui est fait au niveau domestique, surtout depuis la mise en chantier du projet qu'on appelle le « bouclier doré », qui sert à contrôler et à surveiller tout ce qui circule comme information sur les internets chinois et sur les réseaux sociaux. Ainsi, les informations à propos de nombreux sujets historiques, politiquement sensibles, comme les événements de 1989 sur la place Tiananmen, les relations entre le Tibet, la Chine et le Dalai Lama, ou encore la persécution contre les membres du Falun Gong ne sont pas accessibles ou sont censurées grâce à des technologies de surveillance de plus en plus poussées. Le grand pare-feu de la Chine et les techniques modernes de censure comme le bouclier doré ont pour effet de forcer les Chinois à développer des stratégies de communication innovantes. À titre d'exemple, on peut souligner le mouvement des feuilles blanches qui a eu lieu en novembre 2022, alors que les gens étaient mobilisés dans la rue et brandissaient des feuilles blanches vides en signe de protestation pour illustrer le manque de liberté d'expression auquel ils étaient confrontés. Notre émission s'intitule « Prendre la Chine par son histoire », précisément parce que nous pouvons le faire, et surtout parce que nous ne sommes pas confrontés à cette censure et que nous pouvons aborder, au cours de l'émission, tous les sujets qui peuvent être jugés pertinents aux propos. Parlant de parole et d'Internet, on doit se méfier des autorités qui cherchent à censurer les messages qui circulent. Mais il y a un autre genre de risque qui circule sur les réseaux que nous échangeons. Une distorsion multiforme, comme un feu qui se répand au cœur du langage qui circule et qui nous plonge sur la voie d'une perdition et d'un élan de fumée sans fin. C'est un peu ce que la première chanson du jour nous propose. C'est une pièce qui nous entraîne davantage du côté de la musique populaire avec une chanson de Angela Chang, de son nom Chang Shao Han, icône de la C-pop et chanteuse très connue de la sinosphère musicale. La chanson que j'ai choisie met justement en scène les communications à partir des réseaux sociaux et des attaques auxquelles certains se prêtent. La chanson s'appelle « Shi Fen Chong » et raconte étape par étape, minute après minute, comment, en l'espace de 10 minutes, « Shi Fen Chong », comment une attaque pouvait se faire dans la bataille et la dérive de l'image sur les réseaux sociaux. Je vous invite à porter attention à l'esthétique musicale de la chanson, une esthétique qu'on peut qualifier de « à la James Bond », armée de quelques mots, des mots qui peuvent blesser, quelques échanges, quelques minutes, et tout bascule, tout s'écroule. Voici donc Angela Chang avec « Shi Fen Chong ». 10分钟成功。 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous reprenons tout de suite à partir d'ici avec la suite de notre histoire de Chine à dos de tortue. Lorsque nous nous sommes quittés la semaine dernière, nous venions tout juste de commencer le troisième chapitre de notre histoire, chapitre qui porte sur l'unification impériale sous les dynasties Qin et Han. Il est à noter que la période des dynasties Qin et Han constitue un véritable point tournant pour l'histoire de la Chine, comme s'il y avait véritablement un avant et un après. D'ailleurs, en observant l'historiographie de la période, on trouve des ouvrages incontournables, tant en anglais qu'en français, qui abordent non seulement ces dynasties comme un tout cohérent, mais surtout comme le point de départ d'une importante trame, soit l'histoire impériale de la Chine. Mentionnons brièvement, pour ceux qui seraient intéressés par la lecture, le livre de Mark Edward Lewis, « The Early Chinese Empires, Qin and Han », publié en 2009 du côté de Harvard University Press, ou encore le livre de Marianne Bujard et Michel Pirazzoli-Tser-Stevens, livre intitulé « Les dynasties Qin et Han », publié en 2017 aux éditions Les Belles Lettres, livre qui se présente comme le premier tome d'une histoire générale de la Chine. Cela étant dit, revenons à notre récit, qui porte sur l'unification impériale, alors que nous parlions de quatre modifications majeures qui aide à comprendre la transition sur la voie de la centralisation politique et donc, ultimement, menant à l'unification impériale de 221 avant notre ère. Nous avons parlé la semaine dernière d'abord des modifications sur la manière de faire la guerre, en soulignant surtout les conditions matérielles changeantes. Nous poursuivons cette semaine avec une deuxième modification importante de l'époque des royaumes combattants qui concerne cette fois le développement de l'agronomie savante. Transformation qui fut rendue possible notamment par l'utilisation d'outils agricoles plus performants. Comme l'objectif de chacun des royaumes passait par un enrichissement au niveau de la production, on assista à une centralisation des efforts de production, par exemple avec la mise en place de vastes travaux d'irrigation et des travaux de défrichement qui permettaient de mettre en valeur des terres agricoles. Des spécialistes de l'agronomie savante ont contribué à l'émergence de nouvelles techniques agricoles qui firent leur apparition. Parmi les nouvelles techniques, on note l'utilisation plus poussée des engrais, ainsi que des études topographiques détaillées qui permettaient de mieux distinguer chaque type de sol afin de connaître les endroits plus appropriés pour chaque type de semaille, de même que les temps de production requis. L'augmentation de la productivité et des rendements agricoles ont contribué à une croissance de la population et surtout à un enrichissement significatif de l'État, ce qui, par une augmentation de l'assiette fiscale perçue, eut pour effet de permettre un meilleur contrôle sur la terre et sur les hommes. Une troisième modification structurelle importante concerne la multiplication des réseaux commerciaux et des voies de communication et d'échange, rendue possible grâce au développement de nombreuses infrastructures comme les routes. Cette augmentation des réseaux commerciaux se déroula non seulement à l'intérieur de chaque principauté, mais aussi avec les voisins, notamment pour ceux qui habitaient les zones périphériques, ce qui leur permit de développer des relations internationales. Par exemple, la principauté de Yen, situé dans le nord-est, développa des liens avec les populations de la Mandchourie. La principauté de Chu renforça ses liens avec les peuples de la région du sud-ouest, couvrant les actuelles provinces du Yunnan et du Sichuan, alors que les principautés de Chao et de Qin profitèrent de leur position à l'ouest de la fleur centrale pour développer des échanges avec l'Asie intérieure. Finalement, comme quatrième modification majeure, on assista à une modification de la structure administrative des États, particulièrement dans le royaume de Qin, alors que les cités-palais eurent un rôle accru. On vit alors augmenter de manière considérable les besoins liés à l'administration et à la gestion du personnel, et surtout de la bureaucratie naissante. Cette gestion de l'appareil bureaucratique entraîna une distinction de plus en plus claire entre des fonctions militaires et des fonctions civiles. Pour gérer cette foule de bureaucrates, une fonction de premier ministre fit son apparition au cœur d'une série de réformes administratives. Et c'est ainsi que, graduellement, on se dirigeait vers l'établissement d'une méritocratie. Ces quatre dynamiques, soit la modification de l'armée, le développement de l'agronomie savante, la multiplication des réseaux de communication et la complexification de la structure administrative, étaient partagées à différents degrés par l'ensemble des royaumes combattants. Ces modifications ont contribué non seulement à un enrichissement significatif des États, mais surtout à changer complètement les modalités de la relation entre les individus et le royaume. En effet, la route de l'unification impériale est marquée par le renforcement de la centralisation politique pour le bénéfice de l'État. Et cette centralisation se faisait essentiellement contre le pouvoir détenu par les grandes familles. C'est d'ailleurs le développement d'une structure bureaucratique qui a permis à l'État de se dégager du pouvoir des grandes familles et de l'aristocratie terrienne. Comme nous le verrons sous peu, l'empire fondé par les Qin se mit en place en 221 avant notre ère, en s'efforçant de supprimer au maximum les intermédiaires d'autorité entre lui et le peuple. Il s'agit là d'une dynamique qui correspond à ce que plusieurs spécialistes nomment le passage de la petite communauté, comme la famille, le clan, à la grande communauté, soit l'État centralisateur. Nous avons terminé ici le premier point de notre troisième chapitre, et avant de poursuivre, nous allons reprendre en musique, en revenant sur le thème du feu. Comme pièce musicale, j'ai choisi une pièce qui se nomme justement « La danse du feu » (Ohu). C'est une pièce qui est interprétée par un quatuor à cordes qui se nomme « Stringanza ». C'est un quatuor qui est originaire de Singapour et les membres de ce quatuor à cordes se définissent eux-mêmes comme le seul quatuor à cordes chinois de Singapour. Et ils ont la particularité de mettre en valeur le erhu, le fameux violon à deux cordes dont nous avons déjà parlé. Le quatuor comprend un erhu, accompagné de ses deux variantes, soit le gaohu et le chonghu. Puis, le quatuor est complété par un violoncelle, ce qui donne à l'ensemble une sonorité unique et très inspirante. Le rythme de la pièce nous emporte de manière soutenue, de manière saccadée, alors que le feu se propage. Voici donc la danse du feu, Ohu, interprétée par le quatuor Stringanza. Thank you.